car tu veux t'en aller. Ré majeur, car tu vas me quitter. Do majeur, pour jouer mon malheur. Fa, pour ma vie qui s'en va. Mi mineur, ma guitare va craquer. Ré majeur, ma voix va exploser. Do majeur, pour affronter mes peurs. Fa, car il n'y avait que toi. Mi mineur, car le temps disparaît. Ré majeur, car il reste que les regrets. Do majeur, le bonheur est un leurre. Fa, parce qu'il ne reste plus que ça. Mi mineur, ton sourire est un ciel. Et le feu étincelle. Do majeur, j'assumerai mes erreurs. Fa, pour ma joie qui s'en va.